beats are so fresh. Y'a trop de rappeurs en France à croire que c'est à la mode. Je veux faire la différence, ne pas rentrer dans les codes. Dans ce milieu, j'ai de l'essence. Je m'accroche à la corde, toi tu fais la star naissante. Mais tu te sapes, c'est trop mode. T'as cru j'allais rentrer dans le game sans baiser. Violent, t'as cru Luna a été du genre à faire danser les violons. Vas-y, goûte ta camp, t'inquiète pas, ça gagne virulent. Je suis insolent comme ce genre de rappeur au galère, rythme lent. C'est Louis V, toi c'est du Fokuchi. Ma jeunesse j'ai dérivé mais je m'en suis toujours sorti. Tu dis non pour des centimes, t'es un crevard, on l'avait senti. Y'en a qui tombent pour deux centimes, toi tu cotises pour Otis. Le flow est saccadé, on n'a pas besoin de ta science cadée. Sans casser cascadé, j'avance, les autres pensent qu'à scanner. J'ai gravi des montagnes pendant que tu voulais te cacher. J'ai une forme impeccable et toi tu vis dans les cachets. Tu fantôme, tu rap français, tu vois ah mais tu m'entends. Tu te sens offensé, pénalty but, mi-temps. Mino, sans pas trop pressé, de toute façon tu perds ton temps. J'pose les sourcils froncés, disons bête et méchant. Bête et méchant, bébé bête et méchant. Bête et méchant, bébé bête et méchant. Bête et méchant, bébé bête et méchant. Bête et méchant, bébé bête et méchant.